إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار عباد الله أيها المسلمون يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يعني اذكروا الله باللسان اذكروا الله باللسان واذكروه في الأحوال كلها لأن الإنسان لا يخلو إما أن يكون في الطاعة أو في المعصية أو في النعمة أو في الشدة فإذا كان في الطاعة ينبغي أن يذكر الله تعالى ويقر بالإخلاص ويسأله القبول والتوفيق وإذا كان في المعصية ينبغي أن يذكر الله تعالى ويسأله التوبة والمغفرة وإذا كان في النعمة يذكره بالشكر وإذا كان في النعمة يذكره بالشكر وإذا كان في الشدة يذكره بالصبر الإنسان يا عباد الله لا يخلو إما أن يكون في الطاعة أو في المعصية أو في النعمة أو في الشدة وفي كل هذه الأحوال ينبغي أن يذكر الله تعالى ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله أي أثنوا عليه بدروب الثناء والتقديس والتمجيد والتهليل والتكبير وما هو أهله فأكثروا ذلك لأن الله يحب ذلك فأكثروا ذلك لأن الله يحب ذلك ويجوز أن يريد بالذكر وإكثاره تكثير الإقبال على العبادة فإن كل طاعة وكل خير من جملة الذكر فإن كل طاعة وكل خير من جملة الذكر لذا قال العلماء عن الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا بشرعه اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكرا كثيرا ذكرا كثيرا واشغلوا أوقاتكم بذكر الله واشغلوا أوقاتكم بذكر الله عند الصباح والمساء عند الصباح والمساء وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت مثل الحي والميت إذن عباد الله عليكم بذكر الله أكثروا ذكر الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أكثروا ذكر الله على كل أحيانكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحان الله الله nous dit dans son noble livre dans le Coran il nous dit يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا Oh vous qui avez cru Oh vous les croyants évoquez Allah abondamment. Évoquez Allah ou faites le rappel d'Allah abondamment. Et c'est en vérité la suite de la khutba de la semaine dernière. Cette khutba est la suite de celle de la semaine dernière. Ainsi Allah nous dit dans le Coran, en traduction relative et rapprochée, « Oh vous qui avez cru, évoquez Allah, faites le rappel d'Allah de manière abondante. » De manière abondante. C'est-à-dire, prononcez les formules de rappel. Prononcez les formules de rappel, et ce, quelle que soit votre situation. En toute situation, faites le rappel d'Allah. Car l'être humain, en vérité, est soit dans une obéissance à Allah, soit il est dans le péché, soit il est dans un bienfait, soit il est dans une difficulté. L'être humain, où qu'il soit, il est forcément dans l'une de ces situations. Soit il est dans l'obéissance d'Allah, soit il est dans la désobéissance, dans le péché, soit il est dans un bienfait d'Allah, ou soit il est dans une difficulté, dans une épreuve. Et dans chacune de ces situations, le musulman se doit de faire le rappel d'Allah. Pour chaque situation, eh bien, il y a un rappel d'Allah qui s'y prête. Par exemple, quand le croyant il est dans l'obéissance, il est dans l'adoration d'Allah, eh bien, il doit valider ceci en se souvenant que cet acte d'adoration qu'il est en train d'effectuer, il ne l'effectue seulement et uniquement pour Allah seul. Voilà ce dont il doit se souvenir quand il est dans un acte d'adoration, ou quand il s'apprête à effectuer un acte d'adoration. Il doit se souvenir, il doit faire le rappel d'Allah, il doit se souvenir que cet acte d'adoration, il ne l'effectue seulement et uniquement pour Allah seul. Et en même temps qu'il fait cet acte d'adoration, il demande à Allah de lui accorder la réussite et il demande à Allah d'accepter cet acte d'adoration. Il demande à Allah de lui accorder la réussite et d'accepter cet acte d'adoration. Quand l'être humain, eh bien, il est dans le péché, il est dans la désobéissance, il doit se souvenir d'Allah, et demander à Allah qu'il lui pardonne. Il doit demander pardon à Allah et il doit faire le repentir. Quand il est dans un péché, dans une désobéissance, il doit se souvenir d'Allah et il doit demander à Allah de lui pardonner. Et il doit se repentir. Quand il est dans un bienfait, comment se souvient-il d'Allah? Comment fait-il le rappel d'Allah? Quand il est dans un bienfait, eh bien, il fait le rappel d'Allah par la reconnaissance. À savoir qu'il sait que ce bienfait vient d'Allah seul. Il sait avec certitude que ce bienfait vient d'Allah seul. Voilà comment il doit se souvenir. Voilà comment il doit se souvenir d'Allah. Et quand il est dans une difficulté, quand il est dans une épreuve, lorsqu'il est touché par une calamité, il doit se souvenir d'Allah également. Comment ? En patientant. En patientant. Car il sait que cette épreuve, eh bien, il y a une sagesse derrière cela. Il sait que cette épreuve, il y a une sagesse derrière cela. Il sait que c'est en vérité un examen pour lui. comment va-t-il réagir? Eh bien, il doit patienter. Il doit patienter. Et ne pas remettre en question la grande sagesse d'Allah et le destin qu'Allah a prédestiné. Ainsi, l'être humain, quel que soit, l'être humain n'échappe pas à l'une des situations que nous venons de citer. Soit il est dans l'obéissance d'Allah, soit il est dans la désobéissance d'Allah. Soit il est dans un bienfait, dans une situation d'aisance, ou soit il est dans une difficulté, dans une situation d'épreuve. Et dans chacune de ces situations, il doit faire le rappel d'Allah. Dans chacune de ces situations, il doit évoquer Allah, il doit se souvenir d'Allah. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit, « Ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran kathira » Ô vous qui avez cru, évoquez Allah abondamment. Ô vous qui avez cru, évoquez Allah abondamment. Et évoquer Allah signifie aussi faire les éloges d'Allah en proclamant le fait qu'Allah est exempt de tout défaut et exempt de toute défectuosité. Allah est parfait, il n'a pas de défaut. Et c'est pour cela que nous disons Subhanallah, gloire et pureté à Allah, gloire et pureté à Allah. Tu fais le rappel d'Allah en répétant cette formule, gloire et pureté à Allah, Subhanallah. Également, en faisant les éloges d'Allah, en disant « Alhamdulillah », en disant « La hawla wa la quwwata illa billah », en proclamant qu'Allah est le seul à mériter l'adoration, en disant « La ilaha illallah », en disant également « Allahu Akbar ». Voilà les formules que le musulman se doit de répéter tout au long de sa journée. Voilà les formules que le musulman se doit de répéter tout au long de sa journée. « La ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, etc. etc. Subhanallah, etc. » Voilà les formules que le muslim et la muslima se doivent de répéter tout au long de leur journée. Car Allah aime cela. Allah aime cela. Allah aime que son serviteur fasse ses éloges. Allah aime que son serviteur le glorifie. Donc, fais-le, serviteur d'Allah, et tu te rapprocheras de ton Seigneur en faisant cette chose-là. Et également, le verset, quand Allah nous dit, « Oh, vous qui avez cru, évoquez Allah fréquemment », ceci peut signifier également le fait de faire des actes d'adoration. Le fait de faire des actes d'adoration. Car à chaque fois que tu fais un acte d'adoration, et que cet acte d'adoration est fait sincèrement pour Allah seul, et en suivant la sunna de son messager, conforme aux enseignements de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, tu es en train de faire le rappel d'Allah. En vérité, tu es en train de faire le rappel d'Allah, quel que soit ton acte d'adoration. Si tu le fais sincèrement pour Allah et en suivant la sunna de son messager, tu es en train de faire le rappel d'Allah, car c'est comme si tu disais de manière indirecte, « Oh Allah, je fais cet acte d'adoration car je désire ton vaste paradis. » Je désire ta vaste récompense et j'ai peur de ton châtiment. Et j'ai peur de ton châtiment. Tout acte d'adoration, quel qu'il soit, que ce soit le jeûne de Ramadan, que ce soit une prière, que ce soit le fait de donner l'aumône, que ce soit le fait de donner et de poser de l'argent dans la caisse de la mosquée. Quand tu fais cet acte d'adoration, si tu le fais sincèrement pour Allah, en vérité, tu es en train de faire le rappel d'Allah. Tu es en train de faire le rappel d'Allah. Et c'est pour cela que les gens de science ont dit, concernant le verset « Ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran kathira » Ils ont dit, c'est-à-dire « Oh vous les croyants, oh vous qui avez la foi, oh vous qui croyez en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, oh vous qui mettez en application sa religion, sa législation, faites le rappel d'Allah par vos cœurs, par vos langues et par vos membres, c'est-à-dire en toute situation. » En toute situation, que ce soit le fait de glorifier Allah, de faire les éloges d'Allah, que ce soit le fait d'avoir une croyance fermement établie dans ton cœur que tout bienfait vient d'Allah, d'être satisfait du destin d'Allah, que ce soit le fait de faire n'importe quel acte d'adoration, eh bien tu dois faire le rappel d'Allah en toutes circonstances et avec ton cœur, avec ta langue et avec ton corps, les membres de ton corps. Et également, ce verset signifie que le muslim, tout au long de sa journée, comme nous l'avons dit, eh bien, il doit faire le rappel d'Allah d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs manières de le faire, comme nous venons de le dire. Fais le rappel d'Allah, n'oublie pas ton Seigneur. Sache que ton Seigneur te voit et t'entend. Sache que ton Seigneur sait parfaitement dans quelle situation tu te trouves, où que tu sois. Quel que soit le moment de la journée ou de la nuit aussi, souviens-toi de ton Seigneur. Souviens-toi de ton Seigneur. Et Aïcha, l'épouse du prophète, صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها et bien elle nous dit dans un hadith كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه elle nous dit le messager d'Allah faisait le rappel d'Allah en toutes circonstances elle nous dit le messager d'Allah faisait le rappel d'Allah en toutes circonstances quelle que soit sa situation où qu'il se trouve Eh bien, il faisait le rappel d'Allah, il évoquait Allah, il se souvenait d'Allah, son Seigneur. Et Abi Moussa, radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, un autre parmi les nobles compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et nous avions déjà cité ce hadith la semaine dernière, eh bien, lui, il rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت » Eh bien, il nous rapporte que le messager d'Allah a dit, celui qui fait le rappel d'Allah, celui qui évoque Allah, comparé à celui qui ne le fait pas, eh bien, c'est pareil, c'est semblable, c'est la même, il y a entre eux la même différence qu'entre le vivant et le mort. Tu as une personne qui fait le rappel d'Allah fréquemment, et... De l'autre côté, tu as une personne qui ne fait pas le rappel d'Allah. Eh bien, la différence entre celui-ci et celui-là, c'est la même différence qu'entre le vivant et le mort. Et c'est ce que nous avions cité la semaine dernière. Ainsi, serviteurs d'Allah, je m'invite et je vous invite tous à multiplier le rappel d'Allah, à invoquer Allah et à évoquer Allah et à proclamer la grandeur d'Allah. Abondamment et fréquemment. Car Allah nous dit « Ya ayyuha allazina amanu uzkuru Allah dhikran kathira » Ô vous qui avez cru, ô vous qui avez la foi, ô vous musulmans et musulmanes, évoquez Allah abondamment. Ainsi, multiplions le rappel d'Allah, évoquons Allah abondamment, multiplions le rappel d'Allah et quelle que soit notre situation et en tout instant. وصلوا وسلموا ورعاكم الله كما أمركم الله ذلك في القرآن العظيم عندما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وقوموا لصلاتكم